Rádio Etiópia. De Lisboa para todo o mundo. Um programa do Cardeal Tony Giustirini, dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. Thank you. Invitation au silence. An invitation to silence. Les églises ont ça de bien. Churches. Que leur acoustique amplifie tout. Have remarkable expansion. Même qu'au silence y est en expansion. Even silence can swell and be amplified there. La première fois, c'était dans une église en Espagne. The first time it happened. À Zamora. It was in a church in Zamora, a small Spanish town. Renommée pour avoir le plus grand nombre d'églises par habitant. With a reputation for having the most number of churches per inhabitant. 23. Un silence absolu s'est manifesté. Absolute silence manifested itself. Et m'a prise par surprise. By surprise. Thank you. renommée pour avoir le plus grand nombre d'églises par habitant. The reputation for having the most number 23 of churches en tout. Per habitant. 23. Un silence absolu s'est manifesté. Absolute silence à un moment itself. Et m'a prise par surprise. By surprise. It provoked a powerful Cela a provoqué effect un effet puissant dans ma tête. Which multiplied to infinity. Qui s'est comme multiplié à l'infini dans mes sens et dans mon être. I found myself to be instantly connected to my deeper self. Je me suis retrouvée instantanément connectée avec moi-même, mes cellules, dans une profonde dimension guérisseuse. Je pouvais entendre tout au monde. Même l'écho de mes ancêtres. The moment was too short. And since le moment n'a duré que trop peu de temps. The quest for silence is on. Silence that proves to be a rarity. Je suis en quête de very plus silence qui s'avère être très rare et tellement précieux. So here, an invitation to sample some silence. Alors voici une invitation au silence dans cette église Saint-Blaise du sud-ouest de la France pour un retour vers nous-mêmes. Écoutez, écoutez comme le silence est riche de vérité. Thank you. ship's coming. I'm waiting for the agony to stop. Watching as the gulls all settle down upon the empty vessels, the faded whites of their wedding gowns, the songs of hopeless selflessness. December sun, the cold that blisters the hands of a working man wasted. Waiting on the empty docks, watching the ships roll in. I'm longing for the agony to stop, or let the happiness in. Listen to the waves against the rocks. I don't know where they've been. I'm waiting for the sky to open up and let the happiness in. Let the happiness in. Let the happiness in, 'cause it's coming on. Let the happiness in. Let the happiness in. Thank you. You'll be in glory born, and I will. This time.